PDG Edox Tiheka, Papa na Maxime Elis Claudi, Simeon, Génération Conscience, Dorcas Rebel Direct, Ariel et Bernie Bokelo, Bedi et Yale. Nanamba Jean-Paul Okito de Bruxelles. Bienvenue dans 5. L'Américain Lyonema. Colonel Patrick Renzo. Bembeni na yo na salaka mobali ali bala. Sakina pesi makongo na komisi je ya matongi. Bembeni na yo na salaka mwasi ali bala. Sakina pesi makongo na komisi je ya matongi. Olingo sanga mwana. Joka kabengele. Etonda kaka ba projet. Nganche chef coutumier. Soki e boti mwana, baseke ya kala e dimi. Enos, Dieka. PDG, Dieka. David Gama, GG Longondo. Bolingo yangana yo bebe, benda kauta bo mwana. Dr. Jove Sulumbai. O bebi salito y depi yo pesa confiance na ba master. Bala isa ya mbuma, bala isa eve mbuma. Nakase o. Pembeni na yo na salaka e, mwasi ya libala e. Soki na pesi mokongo na komisi je ya licho. Pembeni na yo na salaka e, mobali ya libala. Tango na pesaka mokongo, ekomi ya belobi. Jacques Chonganya e, senateur pena djonga oba. Edox, Tiheka. PDG, Edox, Tiheka. Olga Kavira. Nandi Mita Kabwana, Seruti Koyo. Henri Moutetela. Nandiranga, Love Shueo. Olivier Imono. Simba Nzete Yambila. Edo. Kade Kone Boss. Tiheka. Jansima Yasye. Freddy Lufungula Mokani. Kode Kobo Ngwalanga, Ache Jode Shosola. Fibadi Delandre. Nakei ale akwala na waze asane kitenge bebe wemba keo Dr. Jose Saera Lik Makanaki Alphonse Nyanzenza Echene Chiseke Dishinyo Soki na kokina yote o kimanga yege doxe Pendeje dame Sakari Baba Baswe Okanga makakanga makanangai Martin Kalombo Ona nini o Wechi Sambi Samangwa Kai edoxe na pesa kio bolingo yo pe mama songi selanga bolingo Arnold Kongo Simba Funa bolingo mama omone linga ye PDG edoxe dieka omone linga ye chéri ben foutir na Luanda elle mout lomboto D'Adrile au poto. Stéphanie Siamouna, Chérif Roi Makoko. Simon Malenga. Nikabia, très fort. Nana Lutula. Lossia Sasa. Maître Joseph Kabongo Makasa. Elle est professeur. Pichuna Kimbembi. Ouais, ouais, c'est confirmé. Je connais des vive la musique. Congolo, Tosha Fulakana, André Yolo, Jean-Emile Marcel Chocha, Ségolène Nakorné, François Faila, Didier Bokelo, Wapi Ricardo, le directeur, Maman de Diblin, Tanda l'Espoir, Rodriguez et Touka, Raya Moana Poitou, Louis Vendôme, Toubila, Rezegar Moussala de Midier, Michel Kitoko, Alain Tchali, Arsène Ngombe, Roger Madila, René Galekwa, Jiras Wangi, Procureur Philippe, Wabia Begalo Kenye, Colonel Fini Lokoto, Divine Fimo, Stella Booms BCDC, Levis Masaya, Alino Sene, Pasta Vicky Owanga, Prince Todi Ginudi, Procureur Mwep, Mambo, Robert Bassende, Marc Mokoyi, Adi Construct, Morgan Construction. Dieu merci, Nani, ya Anita. Na Musika, la Zambalula.